إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. D'après Ibn Abbas رضي الله تعالى عنهما, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte ce qu'il transmet de son Seigneur. Allah a inscrit les bonnes et les mauvaises œuvres. Puis il a expliqué cela. Quiconque se décide à faire une bonne action et ne la fait pas, Allah lui inscrit auprès de lui comme étant une bonne action complète. S'il se décide de la faire et l'accomplit, Allah la lui décuple de 10 jusqu'à 700 fois et bien plus encore. Et s'il se décide à commettre une mauvaise action et ne la commet pas, Allah lui inscrit auprès de lui une bonne action complète. S'il se décide de la commettre et la commet, Allah ne lui inscrira qu'une seule mauvaise action. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans le recueil de hadiths authentiques en ces termes. Donc comme on le voit, ce hadith, c'est ce qu'on appelle un hadith Qudsi. On a déjà parlé de cela dans des cours précédents. On apprend dans ce hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit les bonnes et les mauvaises œuvres. Al-hasanat wa sayyi'at. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit et destiné que ces œuvres allaient se produire. Et ceci est écrit dans la tablette préservée. Et également, il a écrit la rétribution de ces œuvres, comme on va le voir à travers ce hadith. Il a ensuite donc détaillé cela. Et il a dit, quiconque se décide à faire une bonne action et ne la fait pas, Allah lui inscrit auprès de lui comme étant une bonne action complète. Celui qui se décide à faire une bonne action, c'est celui qui a la ferme volonté de l'accomplir. Et c'est ce qui est visé par ce hadith. Ce n'est pas seulement une chose qui te traverse l'esprit ou une simple pensée. Car les pensées, le serviteur, il n'a pas de compte à rendre sur celles-ci, ni en sa faveur, ni contre lui. Cependant, ce qui est voulu ici par le fait de se décider, c'est la ferme volonté. Que la personne soit résolue à accomplir une bonne action. Cependant, elle ne l'a pas accomplie pour différentes raisons. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui inscrit une bonne action complète. Il ne l'a pas accomplie car il a été pris de paresse par exemple. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui inscrit une bonne action complète. Et certains pourraient dire, comment cette personne peut-elle être récompensée alors qu'elle n'a pas œuvré? La réponse est qu'elle est récompensée pour sa volonté et pour son intention véridique de vouloir accomplir le bien. C'est pour cela qu'il lui est inscrit une bonne action complète. Et il faut savoir que le fait d'être décidé d'accomplir une bonne action se présente sous différents cas de figure. Le premier cas de figure, c'est que la personne se décide à accomplir une bonne action et elle fait les causes lui permettant d'accomplir cette bonne action. Mais elle n'arrive pas à l'atteindre. Alors celui-ci, il obtient la récompense complète de l'action. Et ce, d'après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, au verset 100 de Surat An-Nisa, lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Quiconque sort de sa demeure, émigrant vers Allah et son messager, et que la mort atteint, c'est-à-dire, la mort, elle l'atteint sur le chemin de l'émigration. Alors, sa récompense incombe à Allah. Car il a fait les causes pour mettre en pratique cette adoration, pour mettre en pratique cette bonne œuvre et l'accomplir pleinement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde la récompense complète de cette action. De la même manière, si une personne se lève pour aller prier à la mosquée, il souhaite accomplir la prière obligatoire et la faire debout. Puis une fois arrivé à la mosquée, il se blesse sur le chemin ou autre, il ne peut plus prier debout, et contraint de prier assis. Alors celui-ci, il obtient la récompense de la prière debout, car il a fait les causes pour accomplir cette œuvre, mais il n'a pas réussi à l'atteindre. Le deuxième cas de figure, c'est qu'une personne se décide à accomplir une bonne action. Il a la ferme volonté d'accomplir cette action, mais il la délaisse pour une bonne action meilleure que celle-ci. Alors celui-ci, il obtient la récompense de la bonne action qu'il a accomplie, qui est supérieure et meilleure, et également, il est récompensé pour sa volonté qu'il avait de vouloir accomplir la bonne action qui était inférieure. Et la preuve de cela, c'est qu'un homme est venu au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lors de la conquête de la Mecque. Et il a dit, « Ô messager d'Allah, j'ai fait le serment qu'une fois que tu aurais conquis la Mecque, alors j'accomplirai une prière à Beit al-Maqdis, à Jérusalem. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, « Prie ici, c'est-à-dire à Mecca. » L'homme lui a répété sa question et sa demande. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a à nouveau dit, « Prie ici. » Puis l'homme d'insister et de réitérer sa demande. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, « Fais comme tu veux. » Selon le sens du hadith. Donc on voit à travers ce hadith que cet homme avait fait le serment d'accomplir une prière où ? Beit al-Maqdis, à Jérusalem. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit pour accomplir son serment de prier à Mecca, dans la mosquée sacrée. Et il n'y a pas de doute que la prière dans la mosquée sacrée, elle est bien meilleure que la prière à Beit al-Maqdis. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a orienté vers une œuvre qui était meilleure que celle-ci et qui ne lui ferait pas perdre la récompense de son intention. Le troisième cas de figure, c'est que la personne se décide à accomplir une bonne action, mais elle la délaisse par paresse. Par exemple, un homme a l'intention de prier 2 unités de prière dans la matinée, pour Salat al-Duha. Puis ensuite, un de ses amis vient à lui, frappe à la porte, et l'invite à sortir avec lui. Il délaisse alors cette prière, il ne l'accomplit pas, cette prière qui est surérogatoire bien sûr, et il sort marcher avec son ami. Alors celui-ci, il est récompensé pour sa première volonté, car il souhaitait accomplir cette prière. Cependant, il n'est pas récompensé pour l'œuvre, car il ne l'a pas accomplie et n'avait pas d'excuse pour ne pas l'accomplir. De même qu'il n'est pas passé à une œuvre qui est meilleure. Donc il est tout de même récompensé pour quoi ? Pour sa volonté qu'il avait de vouloir accomplir cette bonne action. Ceci sont donc 3 cas de figure qui rentrent dans ce qui est prononcé dans ce hadith, au sujet de la volonté d'accomplir une bonne action. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et s'il se décide à la faire et qu'il l'accomplit, Allah lui multiplie de 10 jusqu'à 700 fois. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, au verset 160 de Surat al-An'am, Man ja'a bil hasanati falahu 'ashru amthaliha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Quiconque vient avec le bien, avec une hasana, avec une bonne action, aura 10 fois autant, sera récompensé comme 10 actions, comme 10 bonnes actions semblables à elle. Et quiconque vient avec le mal, une mauvaise action, ne sera rétribué que par son équivalent et ils ne subiront aucune injustice. Donc celui qui a la volonté d'accomplir une bonne action, puis qu'il l'accomplit, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui décuple la récompense de cette action. Il lui décuple par 10. Et ces 10 bonnes actions qui lui sont inscrites, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui se les est enjoint à lui-même, subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui les a promis à son serviteur et il ne manque jamais à sa promesse. Donc tu dois savoir que lorsque tu accomplis une bonne action, Allah subhanahu wa ta'ala te donne la récompense de 10 actions semblables à elle. Jusqu'à 700 fois. Et ceci, selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et selon certaines causes que l'on évoquera lors de l'énumération des bénéfices, ou plus encore, c'est-à-dire plus que 700 fois. Et on voit à travers cela l'immense bienveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs. Une seule bonne action que tu accomplis, elle est décuplée par 10 jusqu'à 700 fois ou plus encore. Et on va voir comment cela se passe avec la mauvaise action. Et vous verrez à travers cela la bienveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs. Ensuite, il a dit, mais s'il se décide de commettre une mauvaise action et ne la commet pas, Allah la lui inscrit auprès de lui comme une bonne action complète. C'est-à-dire, celui qui a la volonté d'accomplir une mauvaise action. Il est tenté par le péché, il se décide à le commettre, puis il le délaisse pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors celui-ci, s'il délaisse le péché pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui écrit pour cela une bonne action complète. Dans une autre version du hadith, Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, il nous rapporte qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, comme le rapporte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon les sens rapprochés, « car il ne l'a délaissé que pour moi ». Cela nous montre que celui à qui il est inscrit une bonne action, lorsqu'il délaisse une mauvaise action qu'il s'était décidé d'accomplir, c'est celui qui la délaisse pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a donc différents cas de figure quant à celui qui se décide à commettre une mauvaise action. Le premier cas de figure, c'est celui qui se décide à commettre une mauvaise action. Il a la ferme volonté dans son cœur de commettre ce péché. Ce n'est pas une simple pensée qui lui traverse l'esprit, mais il a vraiment la volonté de le faire. Et ensuite, il se remet en question et il délaisse cette mauvaise action pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celui-ci qui est récompensé. Et c'est celui-ci qui est visé par le hadith et à qui il est inscrit une bonne action complète. Pourquoi ? Car il a délaissé ce péché pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala l'a donc rétribué en lui inscrivant une bonne action complète. Le deuxième cas de figure, c'est celui qui se décide à commettre un péché. Il a la volonté de le faire, mais il ne fait pas les causes pour le commettre. Par exemple, il souhaite, s'il avait de l'argent, le gaspiller et l'utiliser à outrance. Comme cela est venu dans un hadith rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'un homme a dit, si j'avais autant d'argent qu'un tel, alors je ferais comme lui. Et cette personne dont il parlait, c'était une personne qui gaspillait son argent. Et Allah subhanahu wa ta'ala interdit le gaspillage. Celui-ci, il a la volonté de faire la mauvaise action s'il se retrouvait dans cette situation. Mais il ne fait pas les causes. Alors il lui est inscrit pour cela une mauvaise action. Mais pas une mauvaise action semblable à celle de celui qui commet le péché. Mais il a une mauvaise action qui lui est inscrite à cause de cette mauvaise intention qu'il a dans son cœur. Le troisième cas de figure, c'est celui qui est décidé à commettre un péché et qui fait les causes pour le commettre. Cependant, il en est incapable. Alors celui-ci, il lui est inscrit le péché de manière complète. Et la preuve de cela, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim rahimahumallah ta'ala, lorsqu'il a dit, lorsque deux musulmans se rencontrent avec leurs épées, le tueur et le tué sont en enfer. Ils lui ont dit, oh messager d'Allah, celui-ci est le tueur. C'est-à-dire, nous comprenons qu'il soit en enfer, car il a fait ce grand péché. Mais qu'en est-il de celui qui a été tué? C'est-à-dire, pourquoi est-il en enfer alors que c'est lui qui a été tué? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, car il désirait ardemment tuer son compagnon. C'est pour cela qu'il lui a été inscrit la même mauvaise action que le tueur. On voit donc la gravité de ses volontés et de ses mauvaises intentions qui peuvent être dans le cœur du serviteur. Un autre exemple de cela, c'est l'exemple d'un homme qui s'est préparé, par exemple, à cambrioler une maison. Il est venu, il a pris une échelle pour escalader, mais il a été surpris et il a dû partir. Il a été incapable de voler. Celui-ci lui est inscrit le péché du voleur. Car il s'est décidé à commettre la mauvaise action et il a fait les causes pour l'accomplir, mais il en a été empêché et il en a été incapable. Donc c'est comme s'il avait commis le péché. Le quatrième cas de figure, c'est celui qui est décidé à commettre un péché. Puis après, il le délaisse, non pas pour Allah, non pas car il n'en a pas les capacités. Il le délaisse par exemple par honte ou il n'a plus envie de le commettre. Alors celui-ci, il ne lui est inscrit ni bonne action, ni mauvaise action. Et ceci se produit souvent. Souvent une personne se décide à commettre un péché, puis ensuite il le délaisse. Mais il n'a pas cette intention de le délaisser pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui le pousse à délaisser ce péché. Alors celui-ci n'a pas de récompense, mais il n'a pas de péché, car il n'a pas fait ce qui implique un péché et il n'a pas eu une bonne intention lui permettant d'obtenir une récompense. Ceci nous indique, mes frères, l'importance d'avoir une bonne intention dans le délaissement des péchés. Lorsque tu délaisses un péché, tu dois te rappeler que tu le délaisses pour qui ? Pour Allah subhanahu wa ta'ala, afin d'obtenir sa récompense. Tu délaisses ce péché par crainte du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et par espoir de sa récompense en vouant exclusivement ce délaissement à Allah subhanahu wa ta'ala. Non pas par peur d'une sanction des autorités, non pas par peur du regard des gens, non pas par peur de nuire à ta réputation, mais tu délaisses ce péché pourquoi ? Pour obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et ainsi tu seras récompensé même pour les péchés que tu t'es décidé à commettre mais que tu as délaissé pour Allah subhanahu wa ta'ala. On voit donc à travers ces différents cas de figure que celui qui est récompensé pour avoir délaissé une mauvaise action qu'il s'était décidé à commettre, c'est celui qui l'a délaissé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est important de comprendre cela, car il y a beaucoup de personnes qui comprennent de ce hadith qu'à partir du moment où ils n'ont pas fait le péché, alors ils sont récompensés. Il faut donc bien comprendre que celui qui est récompensé, c'est qui ? C'est celui qui a délaissé le péché pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans ce hadith al-Qudsi, selon le sens rapproché, « Et s'il se décide de le commettre et le commet, Allah lui inscrira une seule mauvaise action. » Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, dans le verset 54 de Surat al-An'am, il dit subhanahu wa ta'ala, « Kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma. » Votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Et dans un autre hadith al-Qudsi, il dit subhanahu wa ta'ala, « Ma miséricorde a devancé ma colère. » Et le sens de ce verset, de ce hadith, il apparaît clairement ici, à travers la rétribution selon les œuvres. Regarde celui qui a l'intention d'accomplir une bonne action. Même s'il ne l'accomplit pas, Allah subhanahu wa ta'ala lui inscrit une bonne action complète, d'après les détails que l'on a vus et que l'on a expliqués. S'il l'accomplit, Allah subhanahu wa ta'ala lui décuple la récompense de cette bonne action. La mauvaise action, s'il la délaisse pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui transforme ceci en bonne action. Et s'il la commet, cette mauvaise action, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui inscrit quoi ? Une seule mauvaise action. On voit donc que sa miséricorde a devancé de loin sa colère, subhanahu wa ta'ala, et qu'il est bienveillant et bienfaisant envers ses serviteurs. Ensuite, An-Nawawi rahimahullah ta'ala a dit, après avoir mentionné ce hadith, « Regarde donc, mon frère, qu'Allah nous accorde la réussite ainsi qu'à toi, l'immense bienveillance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. » Et médite sur ces termes. Il dit « auprès de lui », c'est-à-dire la bonne action, elle est inscrite auprès de lui. Et ceci pour indiquer l'attention qu'il apporte à cette bonne action. Ensuite, il dit « une bonne action complète » pour confirmer cette attention, ce fort intérêt qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde aux bonnes œuvres de ses serviteurs. Et lorsqu'il a évoqué les mauvaises actions que le serviteur s'est décidé à commettre, puis qu'il a délaissé, il a dit « Allah inscrit auprès de lui une bonne action complète. » Il a donc appuyé le sens en disant qu'elle est complète. Et s'il commet cette mauvaise action, il ne lui inscrit qu'une seule mauvaise action. Il a donc insisté sur le fait qu'il ne lui en inscrit qu'une et il n'a pas dit qu'elle était complète. Ensuite, il a dit, rahimahullah, c'est donc à Allah que reviennent les louanges et les grâces, pureté à lui et à lui les louanges. Et la réussite provient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Après avoir mentionné cette parole, Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, a dit, ceci est donc une très bonne annotation de la part de l'auteur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. On va donc maintenant, inshallah ta'ala, énumérer quelques bénéfices que l'on tire de ce hadith. Premièrement, on tire comme bénéfice de ce hadith la confirmation et l'affirmation du fait que les bonnes et les mauvaises œuvres, elles sont écrites. C'est-à-dire le fait qu'elles se produisent est écrit, mais également leur rétribution, bonne ou mauvaise, est écrite. Et ce, d'après sa parole dans le hadith, Allah a écrit les bonnes et les mauvaises actions. Donc nos œuvres et nos intentions, elles sont écrites auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on sera récompensé en fonction de celles-ci. Et ceci nous pousse à nous rappeler sans cesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous observe. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a connaissance de ce que renferment nos poitrines. Et Allah subhanahu wa ta'ala a chargé ses nobles anges d'inscrire nos bonnes et nos mauvaises actions. Et ils ont connaissance de nos volontés et nos intentions qui se trouvent dans nos poitrines. Donc lorsque le serviteur a connaissance de cela, cela augmente chez lui la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se rappelle qu'Allah l'observe, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a connaissance de ses intentions. Et ainsi, il va corriger son fort intérieur afin de corriger ses œuvres. Il va se réformer intérieurement afin de se réformer extérieurement. Il va corriger ses intentions et ses volontés afin de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'obtenir sa satisfaction en purifiant ton cœur de toute mauvaise intention et en délaissant les mauvaises actions auxquelles ton âme, incitatrice au mal, t'appelle. Si tu te rappelles d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu les délaisses pour lui, alors Allah subhanahu wa ta'ala sera satisfait de toi et te récompensera pour cela. Par contre, si tu te laisses aller dans les péchés, que tu les commets, ou que tu souhaites les faire, ou que tu as la ferme volonté de les commettre, mais que tu n'en as pas les capacités, alors tu dois te rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala a connaissance de ce qui renferme ta poitrine et que tu seras rétribué en fonction de cela. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de réformer nos intentions. Deuxièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith que les bonnes actions et les mauvaises actions qui sont commises par les serviteurs, elles ont été écrites auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est fixé. Cependant, il est important de souligner qu'il n'y a en cela en aucun cas une preuve ou un argument pour celui qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce car Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné l'ouïe, la vue, ainsi que la compréhension. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé des messagers, alayhimus salatu wassalam. Il a clarifié la vérité à ses serviteurs. Et le serviteur, il a connaissance de ce qui lui incombe et de ce qui lui est interdit. Donc il n'est pas possible pour lui de se plonger dans les péchés et la désobéissance, puis de dire, ces péchés ont été écrits sur moi. C'est Allah qui a destiné que je ferai ce péché. Pourquoi ne fait-il pas des bonnes actions? Puis il dit, c'est Allah qui m'a destiné de faire ces bonnes actions. Pourquoi fait-il les causes pour commettre les péchés et délaisser les bonnes actions? Il n'y a donc en aucun cas dans cela une preuve et un argument pour ceux qui font des péchés. Mais les preuves textuelles et les preuves empiriques et rationnelles, elles prouvent plutôt le contraire. Quant aux preuves textuelles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim rahimahum allahu ta'ala, il n'y a personne parmi vous sans que sa place ne lui soit écrite au paradis ou en enfer. Ils ont alors dit, ô messager d'Allah, ne devons-nous pas délaisser les œuvres et nous reposer sur ce qui a été écrit? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit non. Œuvrez, chacun de vous sera facilité pour ce pourquoi il a été créé. Ceci est donc une preuve textuelle qu'il n'est pas permis de se reposer sur ce qui a été écrit. Car tu ne sais pas ce qui a été écrit pour toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ensuite dit, quant aux gens de la félicité, les gens du bonheur, leur seront facilitées les œuvres des gens du bonheur. Quant aux gens du malheur, leur seront facilitées les œuvres des gens du malheur. Puis il a récité la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Layl. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Celui donc qui donne et craint et déclare véridique la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Quant à celui qui est avare et se dispense de l'adoration d'Allah et traite de mensonge la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Donc chacun d'entre nous est facilité pour ce pourquoi il a été créé. Et ceci est donc une preuve textuelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de ne pas nous reposer sur ce qui a été écrit, mais plutôt d'œuvrer dans le bien et de faire des efforts pour obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à la preuve empirique ou rationnelle, c'est de dire à cette personne qui se repose sur le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala pour commettre des péchés, comment sais-tu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit que tu allais commettre ce péché? Avais-tu connaissance de ce qui était écrit avant de le faire? Avais-tu connaissance de ce qui est écrit avant de commettre ce péché? La réponse est non. Il n'avait pas connaissance de cela. Personne parmi nous ne sait ce qui est écrit pour lui, comme bien ou comme mal. Il n'y a donc aucun argument en cela, ni textuellement, ni rationnellement, pour celui qui se repose sur le destin pour commettre des péchés. Troisièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith l'immense grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa bienveillance et sa bienfaisance envers ses serviteurs. En effet, celui qui se décide à faire une bonne action et qui ne la fait pas, Allah subhanahu wa ta'ala lui inscrit quand même une bonne action. Et on a vu que le fait de se décider, c'est le fait d'avoir la ferme volonté et non pas simplement les pensées qui te passent par la tête. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne jugera pas les serviteurs pour leurs pensées, comme on le verra dans un prochain hadith, incha'Allah ta'ala. Et on a expliqué les différents cas de figure de celui qui se décide à faire une bonne action lors de l'explication du hadith. Quatrièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith que les bonnes actions, elles sont décuplées. La base est que la bonne action que tu accomplis, elle est multipliée par 10. C'est-à-dire qu'elle équivaut à 10 semblables à elle. Cependant, elle peut encore être plus multipliée, jusqu'à 700 fois ou plus encore. Et la multiplication de la rétribution des bonnes actions, elle a lieu par différentes choses. Premièrement, par le moment où cette bonne action est accomplie. Comme le démontre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit au sujet des 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah, il n'y a pas de jours durant lesquels les œuvres pieuses sont plus aimées d'Allah que ces 10 jours. Ils lui ont dit, ô messager d'Allah, pas même la lutte sur le sentier d'Allah. Il répondit, pas même la lutte sur le sentier d'Allah. Ceci nous montre donc que la bonne œuvre accomplie en ce moment, elle est décuplée. Pourquoi? Parce qu'elle est accomplie durant ce moment. Également nous prouve cela la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit Laylatul Qadri khayrun min alf shahr. La nuit d'Al Qadr, elle est meilleure que 1000 mois. C'est-à-dire que les bonnes actions accomplies durant cette nuit, elles sont meilleures que les bonnes actions accomplies durant 1000 nuits. Ceci est donc une multiplication de la récompense des bonnes œuvres. Par quoi? En raison du moment où elles sont accomplies. Deuxièmement, selon l'endroit. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim rahimahum Allah ta'ala, une prière dans ma mosquée est meilleure que 1000 prières accomplies dans une autre mosquée en dehors de la mosquée sacrée, c'est-à-dire la mosquée sacrée de Mecca. Donc les prières dans cette mosquée, elles sont décuplées par combien? Par plus de 1000. Elles sont meilleures que 1000 prières. Ceci est donc une multiplication de la récompense des bonnes œuvres en raison de quoi? En raison de l'endroit où elles sont accomplies. La troisième cause, c'est que l'œuvre, elle est décuplée en fonction de son genre. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le hadith al-Qudsi, que nous étudierons la semaine prochaine, incha'Allah ta'ala, « Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose que j'aime plus, si ce n'est ce que je lui ai prescrit. » C'est-à-dire les œuvres obligatoires. Les œuvres obligatoires, elles sont donc meilleures en termes de récompense que les œuvres surérogatoires. La quatrième cause, ou la quatrième raison, pour laquelle l'œuvre peut être décuplée et avoir une plus grande valeur, c'est selon celui qui accomplit cette œuvre. Comme il est venu dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, lorsqu'il a dit « N'injuriez pas mes compagnons par celui qui détient mon âme entre sa main. Si l'un d'entre vous dépensait l'équivalent du mont Uhud en or, cela n'équivaudrait pas à la poignée d'un d'entre eux ou même la moitié d'une poignée. » Ceci sont donc différents cas de figure qui nous montrent que l'action, elle peut être décuplée en fonction du moment où elle est accomplie, en fonction du lieu où elle est accomplie, en fonction de l'action en elle-même et en fonction de celui qui l'accomplit. Et il y a également une autre cause très importante qui est la cause de la multiplication de la récompense de ton œuvre. Et cette cause, c'est ce qui se trouve dans ton cœur au moment où tu accomplis cette œuvre. Est-ce que tu l'accomplis sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Plus ton œuvre sera sincère pour Allah et plus elle sera conforme à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, plus la récompense de cette œuvre elle sera immense. On a trois cas de figure. Un homme accomplit une action pour se soumettre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, se rapprocher de lui et rechercher sa satisfaction. Le deuxième, il accomplit cette œuvre simplement pour faire son obligation. Et il le fait par habitude. Il jeûne le mois de Ramadan par habitude. Il fait ses prières par habitude. Et le troisième, il a l'intention de faire cette action pourquoi ? Par ostentation. Pour rechercher les éloges des gens ou pour un bien parmi les biens vils de ce bas monde. Pensez-vous que ces trois personnes, elles sont égales en termes de récompense ? La réponse est non, il n'y a pas de doute. Le premier, son action est plus complète. Elle est plus méritoire, car il a été sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il est important pour nous, dans chacune de nos actions, de nous remettre en question. Et de savoir pour qui on accomplit cette œuvre. De purifier nos intentions. De se rappeler que l'on accomplit ces œuvres pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, on doit se rappeler lorsque l'on accomplit ces œuvres de l'importance de nous conformer à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui parfait sa prière et l'accomplit comme l'accomplissait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de doute que sa prière, elle différera en termes de récompense de l'ignorant qui ne connaît pas les règles de la prière et qui ne connaît pas la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci nous montre également l'importance de l'apprentissage de la science, l'importance d'apprendre la science religieuse afin de pouvoir nous conformer à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans l'ensemble de nos œuvres. Il est donc important lorsqu'on accomplit une œuvre de nous rappeler de ça et de concrétiser la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala et la conformité à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il se peut que deux personnes prient l'une à côté de l'autre et que la différence entre la récompense de ces deux personnes soit la même que la distance qu'il y a entre le ciel et la terre. À cause de quoi ? À cause de ce qu'il y a dans leur cœur. La différence est leur intention. C'est pour cela qu'il faut purifier nos intentions, purifier nos cœurs, nous rappeler sans cesse que l'objectif de nos œuvres et de nos adorations, c'est d'obtenir la satisfaction de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Enfin, cinquièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith que celui qui se décide à commettre une mauvaise action, puis qu'il la délaisse et ne la commet pas, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui inscrit une bonne action complète s'il la délaissait, recherchant la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il la commet et tombe dans le péché, alors Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa bienveillance, il ne lui inscrit qu'une seule mauvaise action. Cependant, il est important de se rappeler que les mauvaises actions, elles ne sont pas toutes du même degré. Il y a des péchés qui sont comptés parmi les péchés capitaux, qui sont des grands péchés, qui sont donc plus dangereux en termes de gravité que les petits péchés. De la même manière que les bonnes actions, elles se divisent en obligations et en œuvres surrogatoires. Et chacune de ces œuvres a un jugement qui diffère et une rétribution adaptée à son jugement. Cependant, il faut également savoir que la mauvaise action, même si elle n'est pas décuplée, il se peut qu'elle soit plus grave selon certaines causes, comme le fait de les commettre dans différents endroits ou en différents moments. À titre d'exemple, le péché accompli en une journée de Ramadan, il est bien plus grave que le péché accompli en d'autres temps. Un péché accompli à Mecca, dans la mosquée sacrée, il est plus grave que le même péché accompli en un autre endroit. Donc le péché n'est pas décuplé, mais sa gravité, elle peut augmenter selon certaines causes, comme le temps, comme le moment ou l'endroit où ce péché est commis. Ceci sont donc quelques bénéfices que l'on tire de ce hadith. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.